Chapitre 16. Système du monde. Je crois donc que l'espace étant infini, la création l'est aussi, et que Dieu a créé dans son éternité une infinité dans l'immensité de l'espace et des mondes,